L'ouverture de la 14e exposition nationale des costumes coréens a eu lieu le 28 septembre au Palais central de la jeunesse à Pyongyang, en présence des cadres, des scientifiques, des techniciens, des ouvriers et des membres de l'Union des femmes, du secteur intéressé et des unités d'activité présentes. Des usines et des maisons de confection ont exposé plus de 1100 habits ordinaires pour les fêtes, le mariage des hommes et femmes et pour les enfants. Le même jour, il y a eu l'exposition des habits exemplaires. Au cours de l'exposition, seront organisés des cours sur la supériorité du costume coréen et les caractéristiques de ses espèces, le dessin du pantalon et de la veste pour hommes et la confection, le service des livres de confection, etc.